بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا كما يليق بجلاله جل وعلا ونسأل الله سبحانه وتعالى قم إلا مغيد Et on remercie Kazalika, Kullu min al-mutakallimin, wal-hadirin, que ce soit les conférenciers ou les personnes qui sont venues s'asseoir pour écouter ces rappels-là. On ashkuru al-akh Ali Abanouh, hafizahullah ta'ala, de nous avoir ouvert ses portes. Et Kazalika pour son hospitalité. Fadazahullah khairan, wa barakallahu fi, wa fi ahlihi. Ayyuha al-ikhwatul kiram. Le fait de se rassembler fillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala a rétribué à travers cela d'une grande récompense. Toute personne qui se réunit pour Allah azza wa jal, recherchant à travers cela l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui a promis de lui donner un rétribut qui est vraiment énorme. Qui est le pardon. Et le pardon, al-maghfirah, comme a dit le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, c'est al-biqaya min sharri dhunub. Le fait qu'Allah Azza wa Jal te préserve du mal des péchés. Wa kama ta'lamun ma minna ahad illa wa 'indahu dhunub. Chacun d'entre nous a des péchés, apparents ou cachés. Ma minna illa wa huwa yadhnub. Law annakum la tadhnubun, la dhahaba Allah bikum. وَلَا أَتَى بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ رواه مسلم. Si jamais vous ne faites pas de péché, Allah Azza wa Jal aurait fait venir un peuple qui fait des péchés afin que, et qui demande le pardon afin qu'Allah Azza wa Jal les pardonne. مِنْ أَسْمَيْ سُبْحَانَ وَتَعَلَى غَفَّارِ الْغَفُورِ. Le fait de se réunir, se rassembler فِي اللَّهِ Azza wa Jal, se déplacer pour cette cause qui est noble, à travers cela, il y a le pardon. Sabata min hadith fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna lillahi mala'ikatan sayyara. Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qui circulent sur dans la terre. Yaltamisuna majalis adh-dhikr. Ils recherchent les majalis, les assises dans lesquelles le nom d'Allah azza wa jal il est évoqué. Fa idha wajadu qawman يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ. Et lorsque ces malaïka vont trouver des personnes qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, تَنَادَوْ هَلُومُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. Chacun d'eux s'appelle à accourir à cette assise-là et à se présenter à cette assise-là. فَيَحِفُّهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Les malaïka vont les entourer de leurs ailes. Et leurs ailes vont atteindre les cieux. فَيَسْأَلُهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. Il va leur demander à ces malaïka, qu'est-ce qu'ils ont vu? Où ils sont partis? Et Allah Azza wa Jal, c'est mieux que eux. Lakin, c'est pour évoquer cette noble récompense qu'Allah Azza wa Jal a attribuée à ce genre de rassemblement-là. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. وَنَسْأَلُ اللَّهِ Azza wa Jal الصدق والإخلاص. فَيَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. من أين جئتم؟ D'où venez-vous؟ فيقولون جئنا On revient d'une assise dans laquelle ces personnes-là étaient en train de t'évoquer. يسبحون الله كبرون الله يحمدون الله يزبكون الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل هل رأوني اسكلموه قالوا لا والله ما رأوك قالوا كيف لو رأوك قالوا لكانوا أشد عبادة وأشد وأكثر لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا يعني ils auraient fait beaucoup plus d'efforts dans la louange et كذلك dans تسبيح. ثم يقول سبحانه وتعالى ماذا يسألون qu'est-ce qu'il demande lorsqu'on vient s'asseoir on recherche il y a une cause il y a un but إنما الأعمال بالنيات on recherche quelque chose et le but de tout musulman c'est le jannah on fait les œuvres et l'objectif c'est de rentrer au jannah quand tu pries pour rentrer au jannah quand tu apprends la science c'est pour rentrer au jannah tout ce que tu fais لله عز وجل في دين الله سبحانه وتعالى la finalité c'est le paradis. فيقول سبحانه وتعالى ماذا يسألون؟ Qu'est-ce qu'il demande؟ تقول الملائكة يسألون الجنة. Ils recherchent le paradis. فيقول سبحانه وتعالى هل رأوها؟ Est-ce qu'ils l'ont vu؟ قالوا لا والله ما رأوها. Non, ils ne l'ont pas vu. قال سبحانه وتعالى كيف لو رأوها؟ قال الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. Ils auraient fait beaucoup plus d'efforts afin de rechercher les demeures du paradis. ثم يقول سبحانه وتعالى ومما يتعوذون من كذلك on recherche les demeures du paradis et on fait les causes inshallah tabarak wa ta'ala pour s'écarter des demeures de l'enfer فقال الملائكة يستعيذون بالله سبحانه او يستعيذون بك ils demandent le refuge auprès de toi يعني من النار فقال سبحانه وتعالى هل رأوها est-ce qu'ils l'ont vu فقالت الملائكة لا والله ما رأوها فقال سبحانه وتعالى كيف لو رأوها si jamais ils auraient vu qu'en est-il si jamais ils auraient vu l'enfer قال لكانوا أشد لها مخافة ils auraient beaucoup plus peur de cela ils ont fait d'énormes efforts afin de s'écarter de se préserver du châtiment de l'enfer فيقول سبحانه وتعالى وهذا هو المقصد أشهدكم je vous prends comme témoin أني قد غفرت لهم que j'ai pardonné à ces personnes-là فيقول أحد منهم من الملائكة فيه فلان يعني لم يأتي للتسبيح إلى بابن بذكر الله فيقول هم القوم الذي لا يشقى منهم جلسهم ce sont le peuple dont personne ou plutôt ceux qui les fréquentent يعني ne seront pas lésés même celui qui est venu avec une intention qui est autre le fait qu'il a fréquenté ces personnes là qui viennent pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك, ils vont acquérir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا الْإِخْلَاصُ وَالصِّدْقُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى نَنَالَ pour qu'on puisse acquérir cette grande récompense qui est le pardon dont tout musulman a besoin. فِي يَوْمِهِ وَلَيْلِهِ Si tu ajoutes en plus de cela et du pardon d'Allah عز وجل le fait que comme ça a été évoqué alhamdulillah c'est le maqsad d'évoquer les hadiths qui sont relatifs aux actions que l'on fait comme le fait az-ziyara comme le hadith de Na'am ibn Hurayra dont la personne est venue et n'avait qu'une seule intention c'est de visiter son frère fillahi azza wa jal le malaïka a dit où tu vas comme ça a été évoqué et ensuite à la fin Allah azza wa jal ou plutôt il lui a transmis qu'Allah subhanahu wa ta'ala à rétribuer ces personnes-là ou cette personne-là de son amour. Et ça, c'est la cause absolue. Al-insan, il faut qu'il accourt à prendre tous les asbab pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Lisa Shan, que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que c'est matloub, c'est demander d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même min shurut kalimat al-tawhid. La ilaha illallah. Min shurut ya mahabba. Que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes cette kalima qui appelle à l'unicité et tu aimes tout ce qui est en rapport avec l'unicité. Ta'atullah ila akhiri. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est matloub, c'est demandé. Lakin laysa, c'est pas la cause absolue. Al-mushrikouna, yuhibboun Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, hal Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum. Est-ce qu'Allah azza wa jal aime ces polythéistes? Qala subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, ma yattakhidhu min douni Allahi andada, yuhibbounahum ki hubbillah. Ils aiment Allah Azza wa Jal, laquelle l'amour qui porte pour Allah Azza wa Jal est moindre que l'amour pour les mouahides pour Allah subhanahu wa ta'ala. لكن هل ينفعهم تلك المحبة لا تنفعهم أبدا وكذلك اليهود والنصارى يبخطون إمه الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه ils ont prétendu qu'ils sont les bien aimés auprès d'Allah عز وجل قل فلما يحذبكم بذنوبكم الله عز وجل les aime pas pourquoi parce que le but c'est pas que tu aimes Allah عز وجل la cause absolue c'est qu'Allah سبحانه وتعالى t'aime فَمَا هِيَ الْأَسْبَابِ Comment on fait pour se voir rétribué de l'amour d'Allah عز وجل فَسِنْ عِبَادَ Et la ibada, c'est une chose qui est légiférée. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'agré. On doit l'aimer comme lui l'aime et l'agré. Pas comme tu le prétends ou comme tu le veux ou comme tu le souhaites. Parmi les causes, et c'est la cause principale, الإيمان بالله عز وجل de avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala la foi en sa présence la foi en ses asma الحسنى وصفاته العليا وكذلك بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى c'est quelque chose là et كذلك le fait de vrai لأن الإيمان si jamais il est vraiment instauré dans le cœur il doit faire part et Il doit apparaître sur les membres. Ala inna fil jasadi mudghatan idha salaha salaha al jasadu kulluh wa idha fasada fasada al jasadu kulluh. Fal iman wal amal mutalaziman. Qala subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Ceux qui ont foi en Allah subhanahu wa ta'ala de wujudih wa tawhid al uluhiyya wal asma wa sifat wal rububiyya et qui œuvrent يعمل عملا صالحا avec piété avec ikhlas فيجعل لهم الرحمن ودا الله عز وجل va leur rétribuer l'amour ça c'est une cause pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah عز وجل il t'aime d'être يعني de mettre en place l'unicité et d'œuvrer en bien وكذلك من الأسباب لنيل محبة الله عز وجل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Si vraiment vous prétendez aimer Allah subhanahu wa ta'ala comme vous le voyez c'est une prétention sur la langue لكن si vraiment vous êtes sadiqun vous êtes sincère dans votre prétention de ce que vous dites donc suivez le prophète فذلك ترى سن فضيحة des personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui contredisent la sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi et ensuite ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala yuhdithu fi din al-bid'a et ensuite ils prétendent qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala fadiha lahum parce que si vraiment il était sincère dans son amour il aurait suivi le prophète sallallahu alayhi sallam wa kazalika min al-asbab linail mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala Le fait de se visiter comme ça a été évoqué par rapport à l'ahadith, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa lil mutahabbina fiyya wa lil mutabadhilina fiyya wa lil mutajalisina fiyya. Ce qui s'assoit pour Allah subhanahu wa ta'ala recherche à travers cela l'agrément d'Allah azza wa jal, se visite pour la même cause, s'aime pour la même chose, s'entraide pour la même chose. Fa Allah subhanahu wa ta'ala va les aimer. Wajabat, elle sera prescrite, yani cet amour. Pour ces personnes-là. فَنَرْجُوا مِنَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ Qu'on fasse partie des personnes qui se sont visitées, se sont déplacées dans cette cause qui est noble pour Allah عَزَ وَجَلَّ. Pour la plupart des personnes qui sont là, je ne les connais pas. إِلَّا سَمِعْتُوا que ce sont des gens qui sont sur la sunnah et qui aimeraient كَذَلِكَ qu'on se réunisse. فَيَا y'a rien entre vous et moi, pas de dunya, juste le fait qu'on partage une religion qui est unique et كذلك une doctrine qui est unique et un manhaj qui est unique. فهذا هو الذي جمعنا في ذلك اليوم. Et ça c'est خالصا لله سبحانه وتعالى. C'est pour Allah uniquement, exclusivement. C'est une grande cause pour qu'Allah سبحانه وتعالى t'aime. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله ou plutôt محبة الله عز وجل le fait d'avoir de l'abnégation et de la dévotion dans l'adoration. كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يعني باختصار ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et le abd, le serviteur, ne cessera d'avoir de l'abnégation dans ata'ah, de faire les œuvres qui sont mustahabbah, après avoir fait les obligations, jusqu'à ce qu'Allah azawajal lui donne et lui octroie sa mahabba. Fait le fait de se dévouer pour Allah subhanahu wa ta'ala, nanal bihi al mahabba. Fait l'asbab ithan kathira, jiddan. Lakin sa tanbih, que le mahabba, c'est pas sur l'isan. De dire j'aime Allah azawajal. Combien de personnes l'ont prétendu, ce sont des menteurs. Allah azawajal les a dévoilés. Mahabbatullah, c'est fil lisan, c'est un amal. C'est fil lisan, fil jawarih, ou fil qalb. Une sincérité dans ce que tu prononces. Et kazalika, que cette sincérité-là soit apparente sur tes membres. Il faut que tu œuvres. Mahabbatullah, c'est bil amal fi bita'ati subhanahu wa ta'ala. Faman haqqaqa al-asbab, celui qui a pris les causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue. Lui donne une récompense. وَمِنْ تِلْكَ الثَّمَرَاتِ parmi les fruits de l'amour en Allah Azza wa Jal qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne التوفيق في كل شيء من حياته كما في الحديث بتتمته وَلَا يَزَالُ الْعَبْدِ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ça c'est une récompense. فَقَالَ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Si jamais il est sincère dans sa mahabba et qu'il fait les causes pour acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la réussite. Il n'y a pas une chose vers laquelle il va diriger son regard sans que ce soit dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose qui va entreprendre sans que ce soit dans l'agrément d'Allah et qu'Allah lui donne la réussite. Il n'y a pas une chose vers laquelle il va se déplacer sans que ce soit dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah azza wa jal yarzuquhu bi tawfiq. Ça c'est min thamarat mahabbatullah. Lorsqu'il est sincère, il va lui donner tawfiq, la réussite dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il entreprend. Wa kadhalika min al-thamarat al-azima. Hada fi dunya, c'est les thamarat qui sont mu'ajjala. Celles qui te donnent Allah Azza wa Jal, fi dunya, ils sont kathiratun jiddan. Wa min al-thamarat fi l'akhirah, et ça c'est azim jiddan. Wa c'est, yani barakallahu fikum, abqa wa adwam. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mette sous la protection de cette chaleur intense et immense, que chaque muslim sera amené à être exposé yom al-qiyamah. Antum ta'lamoun que al-muslim yom al-qiyamah yub'as, il sera ressuscité. Lakin, ghura, sans vêtements. Hufa, sans mi'as, sans, il y a des chaussures, sans claquettes. Ghurlan, c'est-à-dire, qui n'a pas été, naham ghurlan, circoncis, naham. Comme il a été créé, comme il est sorti du ventre de sa mère. Wa shamsu ala ru'usihim. Le soleil, au-dessus de leur tête. Al-an, on peut le voir, yani, avec la distance qui est entre nous et le soleil, lorsque ça commence un peu à chauffer, c'est dur. On cherche l'ombre, on cherche yani, à faire les causes pour cela, pour se préserver de la chaleur, terme de, du soleil. Fait, est-ce qu'on fait kazalika les asbab pour se préserver de cette chaleur immense et intense? Le soleil, yani, au-dessus des têtes, afin de se préserver de cette immense chaleur. فمن أسباب ذلك محبة الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومن ذلك قال رجلا تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. Deux personnes qui se sont aimées pour Allah عز وجل dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se sont réunis dans cette cause-là. Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre sous la protection de cette chaleur qui est immense, dont le jour va durer 50 000 ans. الآن une minute sous le soleil, tu peux pas patienter. Que dire de 50 000 ans والشمس على رؤوسهم, et le soleil est au-dessus des têtes. المراد بالظل, c'est ظل العرش, كما في الحديث من أنظر معسرا, celui qui donne un délai à une personne qui est endettée, أو وضع له, c'est-à-dire qui lui pardonne cette dette là, قال النبي صلى الله عليه وسلم أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Ça nous montre que ce qui est voulu à travers يعني سبعتم يظلهم الله في ظله, le murad بذلك c'est ظل العرش. على الصحيح من أقوال العلماء والحديث يؤيد ذلك. C'est-à-dire qu'il sera sous نعم la protection du soleil par rapport à l'ombre du arch de Rahman, comme dans ce hadith là pour la personne qui aura été يعني qui aura aidé celui qui est endetté. فثمرت محبة الله سبحانه وتعالى أشون كثيرة من ذلك كذلك بارك فيكم لفيك الله سبحانه وتعالى ينادك ينادي جبريل كما جاء في الحديث عند مسلم إذا أحب الله عبدا نسك الله عز وجل أم une personne ينادي جبريل عليه الصلاة والسلام إني أحب فلان. هكذا لفيك الله te cite, c'est un grand bienfait. Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه, lorsque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et il a dit, Allah azza wa jal m'a ordonné de lire sur toi. Il a dit, est-ce qu'Allah m'a cité? Il a dit, naam, Allah t'a cité. Il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est une grande faveur. Allah yani, te cite, et wal khalq, yani, le nombre de gens que trouvent yani, fil dunya, kithir, et parmi eux t'es cité. Ça c'est un fallah azza wa jiddan. Fallah azza wa jal, il évoque cette personne-là. Inni uhibbu fulan. Il parle à qui? À Jibril. فجبريل فيقول إن أحب فلان فأحببه أم له أسي فيقول جبريل فيحبه جبريل جبريل فالمي وكذلك كيف سمت أأبل لجان في السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان الله أمتل فأحبوا كذلك إمله فيحبهم الملائكة ثم تضع له القبول في الأرض. يا الله عز وجل فالدوني, où Allah subhanahu wa ta'ala va faire que cette personne-là est aimée auprès de salihin, al-murad bil khalq, ceux qui sont salih, la ibara bil talih, celui qui est égaré, qui t'aime ou qui t'aime pas, ça va rien rajouter pour toi. Enfin, ça c'est min thamarat al-mahabba. Donc chercher les causes pour retrouver ces mérites et ces récompenses, ces rétributs qui sont énormes et immenses, et ces vertus qui sont immenses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue à toute personne qui l'a aimé. وكذلك برفل فيكم من واجبات الإيمان أبتو محبة الله عز وجل ديمي سك الله سبحانه وتعالى أم. C'est pour ça que Jibril a aimé cette personne-là car Allah l'a aimé. On doit aimer ce qu'Allah سبحانه وتعالى aime. Ça fait partie du tawhid. Tu aimes Allah et tu aimes ce qu'Allah سبحانه وتعالى aime. Tu détestes tout ce qui est contraire au tawhid, l'unicité, et tu détestes كذلك les personnes qui s'y adonnent à comment s'appelle, au shirk billahi azza wa jal. فَمَحَبَّتُكَ مُتَابِعَةٌ لِمَحَبَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et parmi les wajibat, les obligations relatives à l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'aimer pour Allah azza wa jal. S'aimer en Allah azza wa jal, c'est pas mustahab, c'est pas mubah, c'est obligatoire de s'aimer pour Allah. C'est-à-dire que à partir du moment que tu vois cette personne-là aller sur la droiture, aller sur l'unicité, aller sur Bol Minhaj, il peut faire des péchés, tout le monde fait des péchés. Lakin, ce n'est pas un entêté, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui est polémique, qui reconnaît ses torts. Fait cette personne-là, tu dois l'aimer fillahi azza wa jalla, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu as un péché. Et kazalika, tu accours à ce que le al-fasad, il se propage sur la terre. Qala subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ. Les mécréants sont des alliés les uns les autres. إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Si vous ne faites pas cela, c'est-à-dire لا تتحب في الله, vous vous aimez pas pour Allah سبحانه وتعالى, vous vous détestez pour d'autres causes dunyawiya, mondaines, ou vous aimez les kuffar qui est encore plus grand et plus dangereux, ben ça va être une cause que الفساد se propage في الأرض. من ذلك الأمر بالمعروف il va se mettre à disparaître. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas pour Allah, je l'aime pour dunya. C'est-à-dire que s'il a des péchés, Moi, je regarde, en fait, cette personne-là va regarder, est-ce qu'il a la dunya ou pas? S'il a la dunya, je l'aime. S'il n'a plus de dunya, je ne l'aime pas. C'est-à-dire, il ne regarde plus les péchés. Donc, les ma'asi, elles se propagent. Wa kazalika, na'am, al-hijra. Kazalika va être oublié. Parce que min maqasid al-hijra, c'est de t'écarter de ces personnes-là qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhajir, man hajra ma, nahallahu an. C'est celui qui s'écarte des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a intéressé. Enfin, si jamais je l'aime pour dunya, je vais rester auprès de lui, kafir ou pas. Pourquoi? Parce que ma mahabba, mon amour, elle est liée par rapport à cette chose qui est mondaine. Al-fasad, il va être azim jiddan. Ça montre, par rapport à cette ayah-là, que la mahabba, elle est wajiba. Elle est obligatoire. Wa kazalika min al-adilla ala dhalika, qala al-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ثلاث من كان فيه وجد حلاوة الإيمان ومن ذلك أن يحب المرء لا يحب إلا لله. Lorsqu'il aime, il aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui s'aiment pour la dunya, c'est mahabba qui est kadiba, mensongère et qui est éphémère. Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adubun illa al-muttaqin. Ceux qui se sont aimés, les bien aimés, lakin pour dunya, yawma al-qiyama cette mahabba, subhanallah, elle va se transformer en hostilité. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas vouée pour Allah Azza wa Jalla. Les personnes qui s'aiment pour une cause qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont perdants. Ils sont perdants. تَنْقَلِبْ تِلْكَ الْمَحَبَّةَ دَاوَ hostilité totale يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et elle perdure. Au contraire de الْمَحَبَّةَ. ومن باب الاختصار ان شاء الله تبارك وتعالى afin que notre frère ان شاء الله جبريل كذلك puisse يعني placer une kalima. المحبة في الله عز وجل on la conserve par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a pu le voir, parce qu'il est conforme, il s'identifie aux choses qu'Allah عز وجل aime et agrée. Donc on l'aime parce qu'Allah عز وجل aime la personne qui prie, aime la personne qui fait tawhid, aime la personne يعني qui agrée Allah عز وجل. Et parmi les plus grands, même c'est le sabab principal, qui fait que le frère ne va plus aimer l'autre, c'est le péché. Comme on s'est réunis, bita'atillah, dans l'obéissance d'Allah azawajal, kazalika wajib, de se séparer, à partir du moment qu'on sait que cette personne suit la hawa, qui suit sa passion, kazalika, de se séparer. Fait le péché, c'est ce qui fait qu'on va plus aimer. Donc afin de préserver ces liens de fraternité qui sont énormes et qui sont yani jamil jiddan, on se rencontre, on se rassemble alors qu'on ne se connaît même pas. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça tu ne le trouves pas dans les personnes faites dunya. S'ils se rencontrent, c'est obligé, il y a un business au bout de cela, sinon ça ne sert à rien qu'on se voit. Ça, c'est une chose, c'est un bienfait qui est énorme. C'est un bienfait qui est énorme. Et qu'on se doit de préserver bita'atillahi azza wa jal. Celui qui commet un péché et qui ne touche pas ilallahi azza wa jal, ou qui polémique sur cela, il essaye de tourner l'adilla dans son sens pour trouver un justificatif à ses péchés, à sa désobéissance. Il s'est certes, yani, il a certes pris le sabab pour qu'on se sépare et on soit désunis. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama fi hadith alladhi rawahu l'imam al-Bukhari fi al-adab al-mufarad min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. قال ما تود اثنان في الله عز وجل فيفترقان الا بذنب احدث احدهما. النبي صلى الله عليه وسلم évoque dans ce hadith que toute personne, que si jamais deux personnes se séparent, la cause de cela c'est quoi? C'est uniquement le péché. Donc à nous d'être obéissants, à nous d'être, de se retourner vers le repentir lorsqu'on fait le péché, ne serait-ce que pour préserver ces liens fraternels qui sont beaucoup plus énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette dunya-là. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, وَلُوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Si jamais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait réuni toutes les richesses de la vie d'ici-bas afin d'unir entre Al-Khazraj ou Al-Aus, qui étaient deux qabilas des Ansar, c'est-à-dire de gens qui se trouvent à Medina, il n'aurait pas réussi. Peut-être, yani, une courte durée, lakin qui ne dure pas. Enfin, ça montre que al-mahabba auprès d'Allah Azza wa Jalla, في الله عز وجل على إنام على إنام واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Par le bienfait d'Allah et Azzawajal. Fait, on se doit de préserver, barfoufikoum, cette fraternité qui est vraiment jamila, par az-ziyara, en se rendant visite, bita'atillah, c'est-à-dire dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un point avant que j'oublie, c'est que, barfoufikoum, il faut aussi, min al-hukouk, lorsqu'on est frère, pas sentir les uns sur les autres. J'allais oublier ce point qui est vraiment important. Patienter les uns sur les autres. Comme on a pu voir, chacun parmi nous fait des péchés. Falmuznim, c'est une fitna pour qui? Pour celui qui est muti', celui qui est obéissant. Il va voir la personne qui fait le péché, ça va le déranger. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Al-faqir, c'est une fitna pour le ghani. Celui qui est pauvre, c'est une fitna pour celui qui est riche, parce qu'il faut qu'il les donne. Al-jahil, c'est une fitna pour l'alim, parce qu'il faut qu'il donne son temps pour l'éduquer, pour l'apprendre. كذلك المذنب, celui qui fait le péché, c'est une fitna pour celui qui est sur l'istiqama, celui qui est droit. Parce qu'il doit prendre son temps avec cette personne-là afin de l'éduquer كذلك et de l'enseigner la taqwa. فالمحبة في الله عز وجل, c'est pas simplement de se réunir, de manger ensemble. Si jamais je t'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, je dois patienter énormément tant que je sais que tu ne suis pas le hawa. Amma si la personne suit le hawa, c'est-à-dire qu'il rejette la parole d'Allah عز وجل كما قال سبحانه وتعالى فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, c'est-à-dire avec le haqq il est venu, فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Fait, la personne qui reconnaît ses erreurs et qui polémique pas, on doit patienter avec lui. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, il avait un compagnon qui s'appelait Abdallah مُلَقَّب بِالْحِمَار, il avait comme surnom الْحِمَار لَان. C'était une personne qui faisait rire énormément le prophète صلى الله عليه وسلم, mais qui buvait énormément le vin. Il buvait, il se faisait corriger, il recommençait, il boit, il se fait corriger. Et ainsi de suite. Jusqu'à un moment, une des personnes l'a dit, Arzahullah, ma akthara ma yu'ta, qu'Allah l'humilie, cette personne-là ne fait que de venir et se faire corriger et c'est pas une. Il prend pas en considération cette correction-là. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la taqulu hakada. Il n'a pas laissé. Il patiente avec lui. La taqulu hakada. Ala ta'lam annahu yuhibba Allah wa rasoulah. C'est une personne qui aime Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaît cet art, on doit patienter. Les uns, yani mutuellement, la buddhamin. Thamarat al-mahabba fillahi azza wa jal, al-nasiha. Comme l'a dit Cheikh al-Albani, rahimahullah, lors d'une intervention, lorsqu'une personne l'a coupé, il a dit, oh Cheikh, je t'aime pour Allah azza wa jal. Il a dit, c'est quoi thaman? Quel est le prix de cet amour pour Allah? C'est pas juste de dire, je t'aime pour Allah. Il a dit, c'est quoi cette semaine? Est-ce que tu l'as déboursé cette semaine-là? Ils ont, chacun a fait son effort d'interprétation et a dit, le prix de cette mahabba fillah, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela, jusqu'à ce qu'il a dit, al-Sheikh rahimahullah ta'ala, c'est le fait. C'est, ou plutôt, il a évoqué l'ayah, وَلَعَصْءِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Si je t'aime pour Allah Azza wa Jal, lorsque je te vois tomber, je te tends la main. Le fait que tu te détourne ou bien que tu t'es obé, ça ne va rien me rajouter à moi. Au contraire, on doit être triste. On doit pas aimer cela qu'un frère soit égaré. Si on l'aime pour Allah, on doit faire l'effort afin de lui tendre la main, afin de l'avertir qu'il est tombé dans cet égarement-là et l'akhiri. Ça ne fait pas partie de la mahabba de le laisser. Fa, inshallah, tabarak wa ta'ala, par rapport à ce rassemblement, à cette rencontre qu'on a pu avoir, j'ai voulu, inshallah, évoquer certaines causes par lesquelles on va préserver ces liens de fraternité, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue de cette fraternité, cet amour qui est éternel et qui perdure indahu subhanahu wa ta'ala, et qui nous récompense, comme l'a dit dans l'aya, ikhwanam ala surin mutaqabilin. Yani, yawm al-qiyamah, on va avoir le fruit de cet amour, c'est-à-dire qu'on va être les uns, inshallah, tabaraka ta'ala, en face de l'autre, yani heureux, épanoui de la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nasallahu subhanahu wa ta'ala ja'alana min alladhina yatahabbuna fillahi 'azza wa jalla ikhlasan lahu jalla wa ala. Subhanak Allah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fiyaka barakallahu.